Je vais comme une pierre lancée au milieu des buildings. Je traverse la plaine comme un souffle sans bruit. Je vais comme une flamme sous la neige brûlante que nul ne peut éteindre. On ne m'a donné ni arme ni larme à mes yeux que ce cheval d'acier noir et ce corps sans visage. J'ai l'âme de l'enfant et la mémoire du vieux. L'éternité c'est long quand on marche sans cœur. Je suis le cavalier sans tête et je cherche un amour. Un peu de mortel à ma triste éternelle. Je suis le